Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Histoire d'amitié, une série de Leila Djitli réalisée par Véronique Samuilov. Au départ de cette série, il y a une première rencontre contrainte et ratée, et cette seconde choisie qui nous lie encore aujourd'hui. Il y a aussi des étés en bande, insouciantes et parfois un tête-à-tête qui s'arrête brutalement. Alors pour commencer, les personnages. Des amis éplorés, un ami orphelin, une femme héroïque, une autrice qui n'en revient pas, une amie d'enfance, une autre fière de son amie, une fée et des enfants. Ensuite, le décor. Une maison de vacances, un café, des confidences, le manque, un funeste mois de juillet, la mer, la douceur, la séduction, des dîners, une absence, un lac, un sauvetage et la mort en plein soleil. Aujourd'hui, deuxième épisode, une amie est morte. Anne Dufourmentel a péri le 21 juillet 2017 pour sauver des enfants de la noyade en Méditerranée. Elle était psychanalyste, philosophe, romancière, a publié de nombreux livres, donné de par le monde des conférences et entretiens radiophoniques qui sont réécoutés depuis. Sa notoriété culturelle ne suffit pourtant pas à expliquer l'émotion considérable qui s'est répandue à l'annonce de sa mort en France et au-delà, jusqu'auprès de gens qui ne l'avait jamais lu ni entendu. La connaissant depuis 20 ans, j'ai eu besoin d'écrire, sans trop savoir pourquoi, mais obéissant 2 mois plus tard à la fidélité du chagrin, au choc que cela fut, puis aux ondes que cela fit, sur la portée d'un mois terrible, en commençant par les derniers longs instants de mon amie Anne sur la plage, que j'ai vécu avec son compagnon, Frédéric Boyer, leur fille Maude, mon fils, et de là, par cercle s'élargissant au fil du temps, avec tous ceux qui en furent et demeurent atteints. Je n'ai pas écrit un livre sur mon amie. C'est elle qui s'est imposée, imparablement, et je n'y suis pour rien, dans le sillage qu'elle laisse. Cette mort parle au-delà de cette mort. Histoire d'amitié, l'ami héroïque ou portrait d'une amie disparue. Un documentaire de Leila Djitli, réalisé par Véronique Samuilov. Ses traits s'étiraient dès qu'elle voyait autrui heureux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous donneraient envie d'être heureux, rien que pour les rendre heureux. Ces mots de l'écrivain Jean-Philippe Domecq à propos d'Anne Dufourmentel sont ceux d'un ami inconsolable, d'un ami de 20 ans. Anne Dufourmentel avait de nombreux amis. Tous ne se connaissaient pas. Joséphine Sourdel a connu Anne Dufourmentel dans l'enfance, une voisine, devenue amie, puis une sœur. Les romancières Belinda Cannon et Simonetta Greggio évoquent une amie solaire, présente et mystérieuse à la fois, indispensable à leur vie encore aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir, Simonetta. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu trop. C'est beau, toi. Still alive and very surprised to be. Bonjour. Dans son livre, Jean-Philippe Domecq écrit « Anne Dufourmentel, une femme exceptionnelle qui avait la passion de l'amitié. Bon. » Alors, oui, ben, on aurait pu être... en train de pleurer ensemble, ben, comme d'habitude. Oui, comme on l'a fait ici plusieurs fois, d'ailleurs, depuis. Oui, bien sûr. Oui. C'est grâce à Anne. J'ai connu Simonetta grâce à Anne. Je la connaissais de nom et de lecture, mais ensuite personnellement. C'est quand même plus facile de se connaître quand on est tous dans la même maison en maillot de bain. Hein. C'est... ça donne d'autres rapports quand même. Oui, oui, oui. C'est un rituel que vous êtes rencontrés. Directement, oui, je répète, je la connaissais de réputation avant. Anne m'avait parlé de Simonetta, et puis un jour, elle me dit ben voilà, quand tu vas venir cet été, il y aura Simonetta dont je t'ai parlé. Voilà. Elle adorait mettre les amis ensemble, tu sais, voir ce qui sortait, ah, ça, oui, les ça, étincelles, ça, oui. Ah, ben, toujours, tout ça, oui. C'était... C'était très drôle. Même si on était souvent en désaccord dans les soirées philosophiques. Oui, mais ça. Mais bon. C'était un désaccord, comment dire, positif. Oui. Ou positivé, quoi qu'il en soit. Positivé. Et biaisé par Anne. Des fois, oui, voilà. Oui. Ce qui était très drôle d'ailleurs. Oui, elle aimait bien d'ailleurs. Elle aimait bien que ça frotte, que ça cogne, que ça. Mais que justement, qu'il y ait des étincelles qui sortent. Voilà. Oui. Des frottements des uns et des autres. Elle faisait de nous ses silex. Exactement. Elle faisait surgir les feux. Voilà. Simonetta Greggio, dites-moi. Où nous sommes exactement ? Nous sommes au Hibou, qui est un café qui a ouvert depuis quelques années maintenant et qui est devenu un peu le QG de beaucoup de gens du quartier, beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'auteurs. Et puis c'était les lieux où je voyais régulièrement mon amie Anne Dufourmentel. Elle avait son cabinet tout près. On se voyait beaucoup ici, toutes seules, toutes les deux. Anne était extraordinaire parce qu'elle me disait « Je serai au Hibou à 11h, mardi, et je serai à droite en rentrant. » Alors, elle était au Hibou le mercredi à 12h et elle était à gauche en rentrant. Donc, c'est assez compliqué. Elle était extraordinairement distraite. Donc, on pouvait passer des heures à l'attendre alors qu'elle avait noté un autre jour, une autre heure, voire un autre endroit. Donc, c'était beaucoup plus facile que ça soit toujours ici. Et cet endroit aussi, vous m'avez suggéré qu'on se retrouve là, parce que il symbolise aussi la dernière rencontre. On s'était vu quelques jours avant qu'elle s'en aille. C'était au début du mois de juillet. Elle bossait comme une dingue, parce que chaque fois que l'été arrivait, elle préparait sa maison pour les amis. Donc elle avait besoin de beaucoup de moyens pour nous recevoir tous dans sa maison. Et j'avais réussi ce soir-là à la voir. Et elle m'avait dit, écoute, ce qui serait bien, ça serait d'avoir un peu de temps pour nous, toutes les deux, et se raconter nos petits secrets. Donc c'est ici que je l'ai vue la dernière fois. Et c'est d'ici que je l'ai vue partir, et il était tard. Et la rue Monsieur le Prince était sombre. Et je me souviens l'avoir vue vraiment s'enfoncer dans le noir, bras dessus avec son amoureux. Et c'était... Voilà, c'est resté la dernière image que j'ai d'elle et je ne peux pas venir au Hibou sans penser à ça. Je peux vous dire comment je l'ai connue. C'était sur un plateau de France Culture où elle présentait son livre, je présentais le mien. Et au lieu de parler de son livre, elle a parlé du mien. Et ça m'a semblé tellement incroyable, cette générosité. Comment cette femme que je ne connaissais pas, qui m'en imposait, qui était grande, qui était belle, qui était si incroyablement intelligente. Moi, j'étais un peu in soggezione, comme on dit en italien. J'étais un peu, je regardais ça un peu comme une petite souris. Et elle disait tellement du bien de mon livre. Je me disais, c'est incroyable. Elle a pris le temps de lire mon livre. Et donc, on s'est rencontrés un peu comme ça, comme elle était un chat. C'est-à-dire qu'elle renifler les personnes avant de s'approcher vraiment. Et moi aussi, je suis un peu sauvage et on avait ça toutes les deux. Donc on a mis un petit peu de temps. Maintenant, je regrette ces temps des approches parce qu'elle est partie si vite que je me dis que je n'ai pas eu assez. J'aurais voulu avoir plus d'elle, plus de souvenirs, plus de rencontres, plus de sa sagesse. Et ça me manque ce temps qu'on a passé à nous observer, au lieu de rentrer vite en amitié. Pour Anne, l'amitié était sacrée. Elle avait, elle le dit dans certains de ses livres, elle dit qu'elle avait la passion de l'amitié, elle le dit dans La puissance de la douceur, elle le dit dans L'éloge du risque. Et je comprends ce qu'elle veut dire. Elle était capable de tout vous donner, mais de réellement vider ses poches si vous aviez besoin de quoi que ce soit. Donc il ne fallait jamais demander à Anne, parce que vous saviez qu'elle était prête à sacrifier pour vous. Et une fois qu'on la connaissait, il fallait se garder de cette trop grande générosité qu'elle avait. Pour ne pas qu'elle se mette en danger, pour ne pas qu'elle s'oublie pour vous venir en aide. Quelle était son histoire à Anne Dufaux-Montel, puisqu'elle était une psychanalyste, écrivaine, philosophe. Mais est-ce que vous savez d'où lui vient cette passion de l'amitié? Ça, il faudrait demander à des amis d'enfance. Anne avait des amis très très chers qui sont restés des amis chers tout le long de son existence. Il faudrait leur demander quel était son rapport à l'amitié. Joséphine Sourdel, vous l'avez connue à quelle époque, Anne? Anne entre dans ma vie, et j'ai 7 ans et elle a 9 ans. On se rencontre parce que nos familles sont sur le même palier. Et je viens de perdre ma mère, c'est un événement assez brutal. Et sa maman, Nadine, a l'idée absolument merveilleuse pour moi, en tout cas, elle se vérifiera plus tard, de sonner chez mon père en disant « Est-ce que Joséphine aurait envie de venir jouer avec mes filles ?» Et en fait, elle renverse la situation. Elle fait comme si c'était ses filles qui avaient besoin de jouer avec moi, alors que moi, je suis toute seule dans ce grand appartement qui a été déserté. Et c'est le début d'une longue amitié qui s'est arrêtée en juillet 2017. C'était comme une sœur. C'était tellement naturel. C'était tellement une évidence. C'était mon exemple. C'est-à-dire que c'est elle qui travaillait bien. Je profitais d'elle. Tout ce qu'elle proposait, c'était génial. Je ne sais pas comment vous dire. Et elle profitait de moi parce qu'elle disait « Tu es la joie de vivre ». Et on ne s'est jamais lâché. Je pourrais même dire que c'est elle qui ne m'a jamais lâché. Elle a toujours appelé pour savoir comment j'allais, où est-ce que j'en étais, pour me présenter les gens qui comptaient pour elle, les hommes, me raconter ses peines, ses chagrins, ses doutes. J'étais l'amie de cœur, je crois. Je me souviens de nos jeux, d'aussi loin qu'ils m'en souviennent, Anne a un livre à la main. Elle a un livre qu'elle tient d'une manière très particulière, entre le pouce et l'index, comme ça, d'une seule main, et elle tourne les pages avec une seule main. Et elle lit, et elle est fascinante dans cette lecture extrêmement silencieuse, où elle arrive à s'extraire de tout le monde. Voilà, et puis aussi les jeux, et la joie. On passait aussi beaucoup de week-ends ensemble, en Mayenne, à côté de Mamers, et ça a été le terrain de jeu extraordinaire aussi. Alors, il y avait l'équitation qui était un grand... Mais on jouait aussi à l'imaginaire. Alors, l'imaginaire, c'était qu'on avait inventé tout un groupe de gens. Je crois que c'était des gens qui étaient à la fois des personnages de la littérature. Anne disait beaucoup les Russes, je me souviens. Donc, on était dans des... Il y avait toujours un prince russe dans nos, dans nos jeux. Et c'était toujours une société avec... Des hommes qui jouaient du piano, ils étaient évidemment tous beaux et nous, on était très belles, bien entendu. On mettait nos serviettes en éponge comme ça au-dessus de nos têtes et on avait des grands cheveux. On jouait à l'imaginaire tout le temps, on était dans un monde parallèle, toutes les deux. Et ça marchait très bien. C'était toujours elle qui donnait le thème, mais moi j'étais... une excellente suiveuse. Par exemple, elle nous faisait sauter d'une terrasse à la Boisselière. Il fallait toujours se dépasser. Il y avait toujours des rites initiatiques. Même dans notre jeu d'imaginaire, il y avait des étapes à passer. Et dans ces étapes-là, on se transformait, on devenait... Il y avait une sorte de métamorphose. À chaque fois, on gagnait en grandeur, en puissance. Enfin, il y avait quelque chose. Et je me souviens qu'elle nous faisait sauter de cette terrasse qui était dangereuse quand même. Et alors, au départ, on sautait les yeux ouverts. Et puis après, il fallait sauter les yeux fermés. Et comme ça, c'était de plus en plus... Voilà, il y avait la grande descente aussi à la Boisselière, qu'il fallait descendre en vélo sans freiner. Il fallait se dépasser. Le dépassement de soi. Et ça, c'est elle qui décrétait. Et il fallait suivre. Et c'était elle la metteur en scène. Je me souviens simplement d'un jour, une grande colère d'Anne, on jouait, alors là, c'était les Indiens, je sais pas pourquoi, et à un moment où elle voulait m'attacher. Je n'ai jamais vu Anne en colère. À part cette fois-là, on devait avoir 10 ans. Elle veut m'attacher et moi je dis non, je ne veux pas que tu m'attaches. Et là, une colère, le réveil des titans. Alors qu'elle était toujours, déjà petite et jeune fille ensuite, toujours très très très douce, très pondérée, très... très à l'écoute, et à l'écoute à la fois de son monde intérieur, où je me souviens qu'on passait nos nuits à discuter, elle me disait « Est-ce que toi, tu analyses ?» Et moi, ce mot-là, il faisait pas du tout partie du vocabulaire chez moi. « Est-ce que tu analyses ?» Et je disais « Bah non. » Elle me dit « Mais moi, j'essaie de savoir quelle est l'origine de mes pensées. » C'est la seule personne qui avait cette lumière si spéciale. Et d'ailleurs, quand je la voyais, c'était comme si j'allais à un rendez-vous amoureux. J'essayais d'être jolie, j'essayais d'être bien habillée, j'essayais d'apporter des jolis cadeaux. Non pas parce que j'avais besoin, de l'acheter, mais parce que ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Et je me souviens de la première fois qu'on a dîné ensemble toutes les deux, dans son appartement, qui était une sorte d'étrange atelier de peintre, très très haut de plafond. Et elle m'avait fait un dîner en 2 minutes et demie. C'était un dîner extraordinairement bon. On avait bu du champagne tout du long parce que c'était quelqu'un qui adorait le champagne et moi aussi. Et on s'était un peu enivré. On avait passé une soirée extraordinaire. J'étais rentrée à 3h du matin, à pied, sous la pluie. Et je chantais dans la rue, comme quand on sort d'un rendez-vous amoureux qui s'est très bien passé. Et je me disais, mais quelle chance j'ai, mais quelle chance j'ai, mais quelle chance qu'Anne m'aime. Time in my life, my eyes are wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my eyes can see. Belinda Cannon, donc nous sommes chez vous. Et j'ai vu qu'accroché à la lampe de votre bureau, vous avez un très joli portrait de Anne Dufour-Mantel. Oui, c'est mon portrait préféré, celui où elle a l'expression que je préfère, qui est à la fois de douceur, un sourire aussi, et où elle est jolie comme tout. Enfin, voilà, c'est mon portrait d'elle que j'ai toujours sous les yeux. Quand j'entrais quelque part avec Anne, elle me paraissait tellement extraordinaire que j'étais fière d'être avec elle. J'avais un sentiment que, qu'ont parfois les hommes, je crois, à l'égard des femmes, qui disent « Regardez la belle pépé hein ». Et bien moi, j'avais quelque chose d'un peu équivalent où je disais aux gens « Vous avez vu mon ami ? Vous avez vu quel ami j'ai ?» Et ça, c'était un sentiment très puissant que j'avais. Elle était tellement lumineuse, belle, intelligente. Il y avait tellement de choses d'elle qui apparaissaient, je trouvais en tout cas, dans sa simple présence physique, que j'avais cette fierté de l'ami. Ça aussi, pour moi, c'était un élément de l'amitié. Vous voyez, on peut parler de charme en termes d'amitié. Elle avait un magnétisme très fort. Par exemple, si vous entendez sa voix. Et cette voix était à la fois mélancolique et aiguë. Pas aiguë au sens du timbre, mais au sens pénétrant. Dans la façon de demander comment ça va, la première phrase, il y avait cette mélopée mélancolique et en même temps joyeuse, de plus en plus joyeuse. Alors que quand je l'ai connue, elle était... la mélancolie était occupée une plus large place de temps dans son humeur, ça se voyait. Elle est restée profondément mélancolique et je pense que ça a fait partie des ressorts de sa créativité extrême, de sa joie, de sa joie et de son côté extrêmement rieur. Mon fils, la première fois qu'il l'a vue, 5 ans avant sa mort, à Ramatuel, avec tous les enfants et les amis et tout, et il me dit en se couchant comme ça, « Mais papa, ton amie Anne, mais c'est une fée. » C'est sa présence, voyez-vous. comment je l'aimais, sa douleur, sa souffrance profonde sur laquelle elle avait très bien su travailler et qui faisait qu'Anne était de plus en plus joyeuse et de plus en plus rieuse et de plus en plus épanouie. Comment je l'aimais, oui, comme on aime une vie, au fond, oui. Comment je l'aimais, dans le chant de douleur qu'on entendait au fond de sa psyché. Oui, oui, c'est une femme qui était douloureuse. Je ne l'ai jamais entendue pleurer, mais j'ai souvent imaginé Anne pleurant. J'aimais aussi pouvoir me dire ce qu'on ne peut pas se dire de beaucoup de gens. Souvent, je me dis ça quand je rencontre des gens. Et si tout le monde était comme elle ou tout le monde était comme lui, est-ce que ce serait mieux? C'est un critère qui vaut ce qui vaut, c'est un critère de gosse que j'ai gardé. Anne de Fomentel, novembre 2011. Si vous prenez les grandes expériences, je crois, pour tout un chacun qui fonde de nos vies, qu'elles soient dans la nature, qu'elles soient amoureuses, amicales, dans ces moments-là, même si vous marchez vraiment dans une forêt, vous n'êtes plus en vous. Vous êtes en vous-même, mais vous n'êtes plus dans cette conscience du moi. Votre être s'élargit, je dirais, à la perception de ce qui vous entoure, de ce qui est là, et le monde entre en vous, et cette altérité première, elle est d'abord celle du monde, et puis elle est celle de l'autre, d'autrui. Et je crois que c'est ce qui m'agace effectivement tellement contre les how-to en particulier, comment devenir soi-même mieux. Mais non, pitié, comment ne pas le devenir? Comment se défaire un peu de l'idée qu'on a de soi? Entendre quand même la voix de Descartes, celle du doute, plus que celle de la certitude, et aller vers nos territoires en friche, d'une certaine manière, vers nos territoires les moins connus, parce que c'est de là que... Par exemple, je crois que pour quitter une dépression, comme on quitterait, je dirais, un état bien connu, il faut d'abord se désaccoutumer de tout ce qu'on croit être soi, et qui la plupart du temps, d'ailleurs, nous a été ordonné de bien avant, d'un berceau, d'un récit familial. Six jours avant la tragédie, nous venions d'arriver, elle et moi, avec les enfants, dans la propriété de son père, Mathuel, et je lui avais rappelé que nous étions amis depuis exactement 20 ans. Elle nous avait conviés dans cette demeure, alors qu'on s'était rencontrés quelques semaines auparavant. Et très vite, de fil en aiguille, on s'est mis à partager des dîners. Et un mois et demi après, elle nous invitait au mois de juillet à Ramatuel. Au bout d'une semaine, d'ailleurs, de ce premier séjour à Ramatuel, avec d'autres amis qu'elle nous présentait, autour de cette longue table, sur cette véranda qui donnait sur le paysage, avec la ville de Ramatuel, la petite ville de Ramatuel qui dominait au loin comme une sorte de ville de Palestine, vous voyez, avec ses murs surplombants et en même temps menus. Les conversations étaient vive, épanouie, rieuse, à un tel point, un tel enchantement que lorsque nous repartons dans l'allée de gravillon qui mène à ma voiture, j'en fais part à Anne, que j'étais très surpris de vivre ça à ce point-là. Et elle murmure « j'ai la passion de l'amitié ». J'ai rencontré des tas de gens grâce à Anne, Et puis il y avait ce groupe des informels aussi, un groupe qu'elle a constitué à la fac. Il y avait... de partout, tout le monde l'intéressait, je ne sais pas comment vous dire. Anne, autour d'elle, comme ça, avait autour d'elle des cohortes et des cohortes de gens. De tout milieu, de tout continent, de tout sillage, tous très différents, avec des itinéraires, tous particuliers, évidemment, mais marqués. Elle touchait les noyaux sensibles de chacun d'entre nous. Elle a toujours beaucoup reçu. Il y avait toujours des dîners avec beaucoup de monde, on mangeait sur nos genoux. Je pense qu'elle aimait diluer aussi ses doutes et ses chagrins dans le monde, les conversations. Et puis des histoires venant de partout. L'amour des histoires. D'ailleurs, je me souviens que ça, c'est son père. À la Boisselière, après le dîner, après la soupe, petite, on se mettait autour de la cheminée dans le gros canapé, là, et Alain nous racontait des histoires. Et c'était des histoires extraordinaires. C'était génial. Et des histoires, ils s'arrêtaient juste au moment où on avait envie de connaître la suite. Il fallait aller se coucher, non ? Ben oui. Anne Dufaux-Montel, mai 2017, Alice au pays des merveilles. La chenille et Alice se regardèrent pendant quelque temps en silence. À la fin, la chenille ôta son narguilé de sa bouche. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix lente et endormie. Ce début de conversation n'avait rien d'encourageant. Alice répondit assez timidement. « Je ne sais pas très bien, madame, du moins à présent. Je sais qui j'étais en me levant ce matin, mais j'ai changé tant de fois depuis. « Que voulez-vous signifier par là ?» dit la chenille d'un ton raide. « Expliquez qui vous êtes. » « Je ne peux pas expliquer qui je suis, madame, » dit Alice très poliment, « parce que je ne suis pas moi-même, vous voyez. » « Je ne vois pas, » dit la chenille. « Je crains de ne pouvoir m'expliquer plus clairement, » dit Alice, « car je ne sais pas par où commencer. Puis passer un seul jour par les tailles les plus diverses, c'est très fatigant. »« Ce n'est pas vrai, » dit la chenille. « Parce que cela ne vous est pas encore arrivé, » répliqua Alice. « Quand vous deviendrez une chrysalide et puis après un papillon, je crois que vous trouverez la chose un peu étrange, je vous assure. »« Pas du tout, » dit la chenille. « Vous changerez de sentiment à ce moment-là, » dit Alice. « Tout ce que je sais, c'est qu'à moi, cela paraîtrait... » Très étrange. Vous, dit la chenille avec mépris, qui êtes-vous ? Ce qui les ramenait au début de la conversation. Elle organisait souvent des dîners où elle veillait à tout et à tous, et à chacun et à chacune très très très précisément. Et pendant ce temps-là, je la voyais, elle flottait en même temps aussi. Donc elle pouvait être à la fois extrêmement, j'insiste le terme, extrêmement présente, y compris sur un plan pratique, pragmatique, concret, et en même temps, elle était dans son monde. Assez curieusement, elle s'efface, Anne, quand elle reçoit. C'est-à-dire qu'elle est au four et au moulin, elle prépare les tartes, mais elle parle assez peu, elle tend une oreille à droite, à gauche. Ce qu'elle aime, c'est vraiment, je pense, sentir la chaleur de tout ce monde. Alors c'est vrai que parfois, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'elle est là, puis elle n'est pas là. Elle est ailleurs, elle est dans ses pensées. Alors moi, j'adore ça. Cette présence-absence qui est souvent son masque dans les dîners, je trouve. C'est-à-dire qu'elle réunit, elle se sent bien, elle se sent portée par une espèce d'ambiance comme ça, où elle rigole beaucoup, où elle dit un petit mot par-ci, un petit mot par-là, mais... Ou au fond, elle aime bien que la conversation se fasse en dehors d'elle. Moi, je me souviens qu'au fur et à mesure, les dîners deviennent de plus en plus brillants. Moi, je ne le percevais pas comme mondain parce que il y avait toujours la possibilité de se retrouver dans la cuisine. Et alors, comment tu vas? Et où est-ce que tu en es? Et en dehors de ces grands dîners, elle était tout le temps dans le face-à-face aussi, c'est-à-dire pas un déjeuner où elle prenne le temps avec une copine et puis ensuite elle a un petit café avec un tel. C'est quelqu'un qui ne jugeait pas. Elle ne jugeait pas. Ça ne veut pas dire qu'elle ne voyait pas. Elle voyait parfaitement. Attention, elle était d'une lucidité très aiguë. Hein. La perception du tout Paris culturel. Les intrigues... les techniques de réussite, bref, ce que Balzac appelle les araignées dans un pot. Il n'y a que Paris pour ça. Elle voyait, oui, elle savait y faire, oui. Oui, heureusement d'ailleurs. Elle avait une vraie passion des autres, de les observer, de les comprendre, et accompagner cette passion, la générosité profonde du regard, la bonté du regard. Je l'ai fréquenté 20 ans et je raconte souvent, c'est la stricte vérité, que je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. C'est pas tout à fait humain d'être si bienveillant et si bon. Anne voulait donner. Elle voulait absolument donner. C'était quelqu'un qui savait mal gérer, comme on dit, qui savait mal gérer ses affections, c'est-à-dire qu'elle ne supportait pas, je crois, l'idée de ne pas donner. Donc elle était conduite à se disperser ou à donner à beaucoup trop, et du coup à frustrer à un certain point. Elle pouvait pas, on peut pas entretenir 20 relations capitales. Elle pouvait dire qu'elle ne pouvait pas telle soirée venir à un dîner où elle était invitée, alors que finalement on s'apercevait qu'elle aurait pu, mais qu'elle avait préféré autre chose, etc. Donc ça donnait des mensonges à 15 étages. Bah, elle s'arrangeait. Justement, comme elle était en défaut très souvent à force de vouloir donner à tous, elle était obligée de mentir un peu et de vous dire « Oh là là, mais je dois partir brutalement parce que j'ai oublié une casserole sur le feu », ce qui n'était pas très vraisemblable. Alors qu'elle avait un autre rendez-vous avec un autre ami ou d'autres... Peut-être, ouais. Ou même dîner le même soir. C'était pour pas blesser. Pour pas blesser. Oui, pour pas blesser. Elle venait quand même, mais elle, en même temps, elle racontait un bobard énorme et assez lisible pour pouvoir partir. Une très, très grande menteuse. Et je me permets de le dire, et ma chère Anne, tu n'en veux sûrement pas, parce que quand je te l'ai dit, tu éclatais de rire. Plus je te vois, Anne, et plus tu mens et mieux tu es. Et elle avait éclaté de rire, et un peu gênée, mais éclaté de rire, évidemment. Si je dis, je me permets de dire ça, ce n'est pas qu'Anne mentait pour se surfaire, pour se faire valoir. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, elle mentait pour protéger sa liberté. Je dis toujours que Anne était ma meilleure amie, mais que plusieurs d'entre nous considéraient qu'Anne était leur meilleure amie, et Anne avait beaucoup de meilleurs amis. Donc c'est un statut un peu particulier qui n'est pas tout à fait symétrique, je dirais, de considérer que quelqu'un est sa meilleure amie quand soi-même on n'est qu'une des meilleures amies. Mais c'était comme ça. J'aurais voulu qu'elle fût mon amie de tous les jours, qu'on puisse s'appeler, se voir beaucoup plus. Et puis au bout d'un certain nombre d'années de fréquentation, j'ai compris que ça ne serait pas comme ça. Donc il fallait que je me contente de ce qu'elle donnait. Mais que c'est pareil pour tout le monde, je crois. Tout le monde pourrait, s'il l'avouait, dire cela, qu'il y avait une frustration fondamentale dans cette relation. Je joue sur cette idée de meilleure amie, pas meilleure amie, mais je suis sûre qu'elle m'aimait profondément. Donc Simonetta Greggio, vous avez écrit un très joli texte qui s'appelle « Danse avec le vent ». Donc, pour Anne ? Impromptu pour Anne. Ça aurait pu commencer les jours après, ou le vendredi suivant, à 5h de l'après-midi. Mais c'est un matin quelconque, parce que j'avais fait des rêves incroyables et je ne pouvais pas te les raconter. On appelle locus ceruleus, les lieux bleus, la partie du cerveau où se produisent les rêves. Je suis sûre que tu le savais. Me dire que je t'écrirai un mot tous les jours me permet d'envisager les mois à venir. On croit que la vie est un trait, mais ce n'est pas vrai. C'est une mer. Parler de toi est impudique. Parler de moi est impudique. Comment faire? Alors qu'entre nous, la parole a été d'une absolue liberté. L'autorisation à vivre, jusqu'où ton cœur est allé. J'écoute les podcasts quand je ne dors pas la nuit. Je ne peux pas écouter les émissions d'avant le 21 juillet. Tu ne sais pas comment s'est terminée la troisième saison d'Outlander. Je te la raconte. C'est romantique, oui, sensuel aussi, mais tu préfères d'y affaire. Même toi, les histoires croisées entre les personnages te surprenaient. Mais Anne, tu as raté I Love Dick. Je vais changer de portable. J'écouterai tes messages. Je relirai tes SMS et tes WhatsApp. Et après, ils seront effacés. En fait, je passais 2 heures sur le nouveau téléphone et trouvais le moyen de tous les garder. Demain, c'est la dernière nuit de l'année. Envie d'être seule et de penser à toi. J'ai fait des tonnes de rêves, mais puisque je ne peux pas te les raconter, je les oublie. Au printemps dernier, tu étais inquiète, parce que tu ne te souvenais pas de tes rêves. Tu disais que les rêves savent de nous des choses que nous ne savons pas. Quand tu rangeais des affaires en disant « hop, hop », je me moquais de toi parce que ça faisait vieille dame. Maintenant, quand je range des affaires, je le fais tout le temps. Quand tu as fait à manger en 2 minutes, l'un des meilleurs repas de l'année. Quand tu regardais loin, sans parler, quand tu disparaissais. Cette nuit, je rêvais de toi. C'est la première fois. Nous étions, nous tous, debout à flanc de colline à crier « Mais où est Anne ?» Il y avait un tombeau caché dans la grotte, mais toi, Anne, tu étais parmi nous à crier « Où est Anne ?» Et nous avions l'air avec nos bouches ouvertes, d'oisillons qui attendent la becquée. Un rêve christique, n'est-ce pas ? Il t'aurait bien fait marrer, celui-là. J'ai cru pendant plusieurs jours que j'avais perdu ce journal. J'allais chercher dans les tréfonds de mon ordinateur, il avait totalement disparu. J'étais soulagée, et puis je l'ai retrouvé, et j'étais soulagée aussi. Je vais acheter pour la 10e fois l'année de la pensée magique de John Didion. Je le lis, je le donne, je l'oublie dans les trains, les avions. Je me dis qu'il servira à d'autres pour comprendre. Mais comprendre quoi ? Je ne comprends rien. La vie change vite, la vie change en un instant. On s'apprête à dîner et plus rien ne sera comme avant. Est-ce qu'on redevient jamais celui qu'on a été ? Ce que les savants appellent matière noire représente 90% de ce que nous ignorons de l'univers. Ton thème astral avait des points communs avec celui de Mozart, de Gandhi, de Walt Disney et d'Al Capone. Nietzsche dit qu'on ne peut pas vivre sans oublier. J'ai fait la liste des choses qui me rendent heureuse. Marcher sur le chemin des immortels, le soleil dans les yeux, plonger du rocher d'où nos chiens plongeaient dans le bleu. Entendre ton rire. Je pense à toi tout le temps, mais quand je m'arrête pour penser à toi, je n'y arrive pas. Un soir, j'étais triste. J'étais montée me coucher tôt et tu arrivais dans la chambre avec une bouteille de champagne et de coupe. Dehors, les grillons chantaient. La lune inondait le lit. Tu m'as tenu la main. J'ai pleuré. On a ri. Les bleus et l'invisible devenant visibles, disait Yves Klein. Les étés avec toi, les étés étoilés. Plus jamais entendre ton rire. C'est arrivé, qu'est-ce qu'on vous a raconté, qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, bon, c'était terrible. J'étais en Bretagne et c'est ce qui est très curieux. Je sais pas si Simonetta vous a raconté aussi cette chose là, très très étonnante. Moi j'étais dans mon garage en Bretagne avec ma fille en train de préparer une brocante où je disais il faut qu'on vide ce garage et tout d'un coup une fatigue, il était 15h30, 16h, une fatigue me prend, mais dingue. C'est stupéfiant, c'est l'enchaînement des faits. C'est-à-dire que ce n'est pas un drame, c'est une tragédie. Tout s'emboîte. Les enfants, mon fils qui est très très ami avec la fille qu'elle a, de Frédéric Boyer, Maud, ils sont là, il y a d'autres enfants, des amis. J'avais une amie qui était là, on attendait des amis pour le dîner. J'ai dit, excusez-moi, je vais me coucher. Et j'ai dormi comme un loir pendant 2 heures. Et puis là, j'ai eu un premier coup de fil de Pascal, une amie commune. Pascal m'appelle et me dit « Joséphine, il s'est passé quelque chose. » Et tout de suite, je lui dis quoi ? Et elle me dit « Non, c'est inimaginable. » Elle me dit « C'est Anne. » Les flots sont curieusement démontés. Je dis curieusement parce qu'en même temps, il fait chaud. Il y a du soleil, il y a des yachts blancs, il y a des gens sur la plage, il y a des jouets de plage, il y a des bouées. Tout est gai, apparemment, si vous voulez. Donc c'est ça qui est trompeur dans la situation. Et elle me dit « Anne s'est noyée ». Alors, je sais pas, il y a un cri qui est parti. un cri de colère, je crois. Il y a mon fils qui a failli mourir à une minute près. À la fin, il n'en pouvait plus, quoi. Hein, c'est les secouristes qui sont arrivés derrière. Et après, ils se sont occupés d'Anne. Mais il y a priorité pour les enfants, si vous voulez. Pendant qu'Anne s'en allait, moi j'étais j'ai des amis dans cette cabane magnifique, ma cabane aux étoiles. Et donc pendant 2 jours, le téléphone était éteint, forcément, ça ne passait pas. Et puis pour aller dans cette cabane, on est obligé de passer un lac en nageant. Et pendant qu'Anne s'en allait, moi j'étais en train de nager dans ce lac alors que j'ai toujours eu un rapport merveilleux avec l'eau. Là, j'étais pas bien. Et il y a un énorme orage qui a éclaté juste au milieu. Et je me suis mise à nager de plus en plus vite, avec une peur incroyable. Et je suis arrivée de l'autre côté, j'ai claqué dedans. La température avait baissé tout d'un coup de 20 degrés, mais vraiment incroyablement rapidement. Et je suis remontée très très vite à la cabane. Et on a fait un énorme feu avec mes amis. Et j'ai tremblé de tout, mais vraiment de partout. J'ai mis plusieurs couvertures sur moi. Et je me suis endormie comme si j'avais eu un énorme choc. Et bien sûr, je ne savais rien. Et puis le dimanche, avec mon amie Sylvie, on a décidé d'aller au marché et d'aller voir un peu ce qui se passait dans le monde avec nos téléphones. Donc on est allé dans le premier village. Et pendant que je conduisais, j'entendais mon téléphone où il y avait, je ne sais pas, 50, 100 messages. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux jours? Et ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait. Et le premier message que j'ai vu, je ne comprenais pas. Le deuxième, je ne comprenais pas. Tout le monde m'avait appelé et personne ne m'avait laissé de message audio. Et tout d'un coup, j'ai vu le message de Frédéric qui disait « Simon, au secours ». Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et après, c'était celui de son éditrice, qui est aussi une très bonne amie, Lydia, qui me disait, j'ai la tristesse de t'annoncer la mort accidentelle. Et Sylvie m'a pris dans ses bras, elle s'est mise à pleurer aussi, elle ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Et heureusement que j'avais les bras d'une amie, pour me sauver de la mort d'une amie. Elle a eu une mort à son image, véritablement. C'est-à-dire qu'elle voit des enfants qui sont aux prises avec les flots, ou elle n'aurait pas dû les laisser aller, enfin bref, il y a eu toute une confusion. Et évidemment, quand elle a vu ça, son sang n'a fait qu'un tour, tel que je la connais, je n'y étais pas, j'arrive 20 minutes plus tard. Tel que je la connais, elle a fait, enfin c'est ce qui s'est passé, elle a bondi, et elle est allée pour sauver ses enfants, quitte à en mourir. Elle était d'un très grand courage, hein. Quelle mort, c'est vraiment, et de vivre ça sur la plage, il y avait une netteté de, pas une ombre, vous voyez, pas, on peut même pas, Anne était radieuse et finalement elle a eu une mort radieuse, quoi. Ça c'est quelque chose de, qui est imprimé à jamais. C'est un acte héroïque, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit l'autre plutôt que soi-même, parce qu'on pense là qu'il y a quelque chose à sauver, et ce sauvetage peut se faire au détriment de soi, au dépens de soi. Donc elle a poussé jusqu'au bout cette attitude héroïque, en effet. En même temps, c'était très conforme à tout ce qu'elle était, je crois. Cette attention à l'autre, ce souci de l'autre. Vous savez, je pense qu'on ne devient pas psychanalyste par hasard. De toute façon, ça n'est absolument pas étonnant qu'elle ait réagi comme ça. C'est elle, ça, alors là. Je le dis à mon fils, non pas pour le consoler, mais je le dis dans la nuit, au moment où il faut se coucher, essayer de dormir, dans cet univers qui devient l'univers d'après, après Anne, après. Oui, c'est une lumière de gloire. Elle avait une aura particulière, c'est-à-dire que même ceux qui ne la connaissaient pas, et là-dessus, vous savez, j'ai entendu 20 fois des gens me dire, sachant mon amitié avec elle, j'ai entendu 20 fois des gens me dire, vous savez, je ne la connaissais pas, mais cette mort m'a affectée comme si. Tout de suite, ce qui m'a manqué, je voulais absolument la prendre dans mes bras. C'est vraiment le manque physique. Tout de suite, je voulais garder d'elle la trace de ce corps qui m'a soignée à mille reprises, mais notamment à un moment où j'ai traversé une période très noire dans ma vie et que on était au bout de nos conversations à Ramatuelle, au bout du bout du bout du bout. Et moi, ça faisait 5 ans que je dormais pas. Et qu'on n'arrivait pas à trouver pourquoi. Et elle a fini par un câlin sur le port de Saint-Tropez. Elle perchée sur ses talons, parce qu'elle allait à la plage en talons, hein, comme tout le monde le sait. Et alors, elle se penche vers moi. Et ce câlin dure. Peut-être vous n'allez pas me croire, mais à la suite de ce câlin, je me suis mis à redormir. Hein. Et je crois qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose entre ma mère et Anne. Elle rentre dans ma vie au moment où ma mère disparaît. Une corrélation, c'est pour ça que cette disparition d'Anne est... Pour moi, elle n'a pas disparu, elle est là, c'est très curieux. Parce qu'elle vient dans les rêves, hein, souvent. Ça, c'est curieux. Simonetta a ça aussi. Et on a toutes ça. Elle visite nos rêves. Ramatuelle, pour moi, c'est comme un paradis perdu. On y a passé le moment le plus beau de l'existence, je crois. Et puis c'était ma maison, parce qu'Anne, dans sa générosité, m'avait indiqué où étaient les clés. Et je pouvais y aller quand je voulais. Et donc, et ce que j'adorais, c'était aller toute seule là-bas. Et lire ses livres, étudier. Au milieu de ses livres, elle avait une bibliothèque formidable avec un piano. Et je prenais ses livres et ils étaient soulignés de sa main. Et ses livres m'apprenaient non seulement qui elle était, mais en plus ses mots à elle. C'était comme si elle me faisait rentrer dans sa sagesse. Et encore jusqu'à l'été dernier, j'y étais et Anne était là. Elle était dans ses livres, elle était dans l'odeur qui reste d'elle, dans les choses qu'elle a posées ici et là et qui sont restées. Donc, j'ai trouvé en lisant des livres que nous aimions tous les deux, des auteurs que nous aimions tous les deux, Henry James par exemple, j'ai ouvert le livre à une nouvelle que je voulais relire chez elle, à Armatuelle, et à l'intérieur il y avait... une petite feuille de papier avec son écriture qui était comme arrachée d'un journal intime. Et c'est comme si ce petit mot me parlait, c'est comme si encore une fois elle venait me dire, voilà, je suis là, lis ce mot et trouve ce qu'il te faut pour ce moment précis de ta vie. Comme si c'était un peu une devineresse ou une médium encore présente malgré... que l'on soit croyant ou pas. Donc ce mot disait « écoute Bach, écoute Mozart ». Mais c'est comme si elle me le disait à moi, donc j'ai remis le petit papier dans le livre et j'ai remis le livre à sa place, comme si elle était toujours là. Et vous savez très bien qu'on a tous perdu quelqu'un qu'on aime. Et la chose la plus incroyable, c'est que le monde reste à sa place, que cette personne n'est plus là. Et j'espère que cette maison restera telle qu'elle est pour ses enfants, pour les gens qu'elle a aimés, pour les gens qui l'aiment. Un vrai paradis. Et d'ailleurs, les derniers mots d'Anne, le 21 juillet, ont été à 7h30 du matin, « Viens vite dans notre petit paradis ». Et pour moi, cet endroit restera... Et moi, j'ai toujours sur mon téléphone le temps qu'il fait à Ramatuelle pour savoir s'il pleut sur elle, si elle a du soleil. C'est un peu comme si un peu de mon cœur était toujours avec elle, là-bas. Anne Dufourmentel, janvier 2002. Car il s'agit bien de cela, naître deux fois. Qui sont les êtres nés une seconde fois? Ceux-là seuls sont vraiment vivants, vivants et libres. Et cette liberté, si ténue soit-elle, est d'essence musicale. Elle n'est pas subjective, au sens du moins où un moi s'y reconnaîtrait souverain. Elle a quitté les rives du roman familial pour celles moins fréquentées d'une certaine errance. Une errance consentie, vagabonde. Ce n'est pas être irresponsable que d'entrer dans ce désir qui permet la fièvre, le désespoir, la colère, l'angoisse, le pardon, l'irrésolution. C'est juste une manière de faire un pas de côté hors de chez soi et de toucher par moments à cette si particulière musique de l'être qui s'efface dès qu'on la fixe et qui vous porte quand on l'oublie. C'est se laisser déplacer vers le bord de la fenêtre, là où d'une vision latérale on aperçoit, mais à peine, ce qui ferait l'essence de la lumière, et que dans cette présence du monde soudain révélée, quelque chose vous est donné par surcroît. C'est la joie qui est traumatique, pensait Spinoza, et non la douleur. L'imprévisible, oui. D'autres disent la grâce, on ne sait pas dire la joie qui vous garde justement quand la peur se défait, se déprend du corps. Il y a plein de choses qui ont changé depuis la mort d'Anne. Il y a plein de choses que j'ai changées, que j'ai décidé de changer, que j'ai pris à bras le corps. Bien sûr, j'ai aussi peur qu'avant de certaines choses que je ne sais pas faire ou qui sont difficiles ou qui sont ardues. Mais en réalité, cette peur, je la dépasse avec une grande force maintenant. Mais cette force, ce n'est pas la mienne, c'est celle qu'elle m'a laissée en partant. Elle croyait en moi. Elle croyait que j'étais un bon écrivain. Et je crois qu'il ne pourra jamais rien m'arriver qui m'enlèvera cette foi en moi, dans mon écriture, parce qu'elle l'a cru. Si elle l'a cru, ça doit être vrai. Je crois qu'elle était extrêmement maternelle avec ses amis. Tout ce qu'on faisait était merveilleux, toujours. Je me disais, mais à chaque fois que je parle avec Anne, alors j'ai l'impression d'être intelligente. Ça, c'était génial. Ah oui, elle élevait véritablement son interlocuteur, mettant l'accent sur ses qualités en permanence. Donc évidemment, comment voulez-vous ne pas aimer quelqu'un qui vous tisse comme ça un manteau d'or ? Vous savez, Anne, elle disait « la douceur est politique ». La mort même ne peut s'opposer à la douceur. Je trouve que ces mots sont porteurs d'un message d'une intensité et d'une lumière. La puissance de la douceur, c'est Gandhien, c'est Mandela, c'est Obutu, c'est vraiment faire opposition à la force noire de ce monde par la douceur. Et Anne était maîtresse de ça, elle savait très bien faire, je l'ai très rarement vue en colère. Et je pense que c'est la leçon fondamentale de sa philosophie, mais on m'a souvent dit que c'est une leçon qu'on ne peut pas appliquer aujourd'hui. Et je pense que c'est justement aujourd'hui où il faut l'appliquer. Plus que jamais. Plus que jamais, on a besoin d'intelligence. Plus que jamais, on a besoin de cette douceur. Plus que jamais, on a besoin de comprendre l'autre pour ne pas le condamner. Cette douceur et cette ouverture à l'autre, ce besoin de comprendre, me semble être le message qu'Anne va laisser dans les années à venir. Let's get lost, lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude. Merci à Belinda Cannon et Simonetta Greggio, à Joséphine Sourdel, à Jean-Philippe Domecq pour son livre « L'ami, la mort, le fils ». Merci à Frédéric Boyer, à la famille d'Anne Dufour-Mantel et merci à tous ceux qui ont une pensée pour elle. Prise de son Cyprien de Limerville, mixage Alain Joubert, histoire d'amitié, l'ami héroïque ou portrait d'une amie disparue, un documentaire de Leïla Djitli, réalisé par Véronique Samouilov.